La délégation du journal vietnamien Nhân Dân, conduite par son rédacteur en chef adjoint Dinh Nguyen Phan, a visité le Trois Couronnes, le Palais du Soleil de Kumsusan, pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.